Nous sommes le 18 janvier 2021, bienvenue sur Balado Roller, le podcast sur le roller en français le plus écouté. Je suis Philippe, l'hôte de ce podcast, et je suis encore une fois en compagnie de Priscilla. Et on va vous parler des épisodes 2 et 3 de la série Derby Girl, donc toujours disponible gratuitement en streaming sur la plateforme france.tv/. Comment vas-tu, Priscilla ? Super, et toi, Philippe ? Je vais très bien. Ah là là. Alors, donc, on va parler... J'enlève mon pull parce que j'ai chaud, ça y est, tu vois, l'épisode commence, C'est normal, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler des Fresh Meat. Exactement, c'est l'épisode... Alors, toi, tu l'as dit en anglais, l'épisode, c'est chair fraîche. Tout à fait. Alors, j'ai dit fresh meat tout simplement parce que les fresh meat, et on le dit aussi en France dans le roller derby, hein, ce sont les nouvelles arrivées, les nouvelles venues dans le monde du derby. Voilà, c'est le petit surnom sympathique qu'on donne aux nouvelles. D'accord. Est-ce qu'il y a un bizutage qu'on fait aux filles comme ça, aux fresh meat ? Non, on les bizute pas, mais on leur fait comprendre que voilà, elles sont nouvelles et qu'elles vont en chier. Bon, bah, c'est cool. Alors, donc on va revenir sur les points donc de l'épisode 2. Donc, on a déjà fait sur le titre. Donc, voilà, Fresh Meat, effectivement. Donc, c'est l'épisode où elle va découvrir les règles du derby et l'univers, puisque pour le moment, effectivement, on ne l'a pas encore vue devenir joueuse de derby. Hein. Elle s'est fait humilier, on n'oublie pas l'épisode précédent. Et son but, ça va être à son tour donc d'humilier l'équipe adverse donc, et devenir la meilleure joueuse de derby au monde. Hein, faut préciser, au monde. Bah, voilà, on va quand même pas... Elle voit assez loin, c'est la meilleure du monde. C'est bien. Voilà, donc cet épisode est principalement marqué par six objectifs. Donc on l'a dit, humilier et devenir la meilleure joueuse du monde. Et donc j'ai noté que c'est important que effectivement ce sont des objectifs très très immatures hein, d'une enfant irresponsable. Et d'ailleurs c'est souligné par le père dès le début de l'épisode. Hein. Oui, mais après il faut, enfin immature. C'est vrai que la pauvre fille, elle a perdu sa mère. Enfin elle a perdu sa mère. Oui, à partir du moment où elle a perdu son. Elle n'a pas été championne du monde. Voilà. Elle a perdu sa mère et son père, je pense pas que ce soit un... Il a beau être prof, je pense pas qu'il sache s'occuper d'un enfant. Non, voilà, il y a un vrai problème au niveau du lien familial aussi, hein, qui était totalement brisé. Donc Lola, malgré son âge, hein, parce que je ne sais pas quel âge elle doit avoir, mais... 25-26 ans, je crois. Voilà, si on essaie de faire un petit calcul, elle est censée être une femme responsable, et ce n'est pas du tout son cas, puisqu'elle est quand même... elle vit encore chez son père, elle n'a pas son permis, elle a un petit job pas super, et puis voilà, elle a vraiment une réaction immature par rapport à ce qui lui arrive. Alors moi, je voulais revenir au début de l'épisode, on la voit arriver en voiture sans permis, avec du Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, et on voit que, enfin je sais pas, elle est dans son élément, elle est bien, et alors le truc que j'ai bien aimé, qui a été... fait dans d'autres épisodes de la série là, c'est à partir du moment où elle sort de la voiture, elle claque la portière, et là la musique s'arrête. C'est un petit peu comme si elle avait un super pouvoir, si tu veux. C'est tout à fait, et dans le cinéma c'est quelque chose d'assez connu, on appelle ça le son extra-diégétique, pardon, qui donc est un son hors champ en fait, hein, qui n'est pas réellement dans l'image et qui peut l'être, qui joue à la fois sur le fait qu'il est dans l'image et qu'il ne l'est pas, hein. Donc là effectivement son action est rythmée par la musique et dès que son action s'arrête, la musique s'arrête aussi. Ouais, voilà. Ou un petit peu comme, je crois que c'est Nagui qui fait ça dans ses émissions, où il fait un geste et la musique s'arrête. Ou Ardisson aussi, je crois, faisait ça. C'est marrant. Enfin, moi, ça me... Ouais, c'est quelque chose d'assez repris, le jeu avec le son, effectivement. Ouais. Alors, c'était intéressant d'avoir choisi cette musique dans le scénario parce que c'est une musique voilà, qui date, tu l'as dit, de 1995. Hein, donc, on est dans la ringardise absolue. Et ce qui était intéressant, c'est C'est pas étonnant que des Parisiens essaient de faire passer les provinciaux pour des gueux. Hein. Je disais même que, dans le fond, ça me vexait un peu parce que les provinciaux n'écoutent pas tous du Ophélie Winter. Hein. Il faut bien mettre un point d'honneur là-dessus, d'accord? Voilà. Ouais. Mais alors par contre, il y a un petit anachronisme entre guillemets parce que si donc elle a 26 ans, elle a pas connu, enfin en 95, elle a pas vraiment connu Ophélie Winter quoi. Non, voilà, Cette chanson-là. c'est ça. Ça peut être effectivement, ça peut prêter un peu à confusion. Ouais, Bon, alors que moi je peut-être que sa mère lui faisait écouter Ophélie Winter, on va savoir. peut-être qu'elle a fait un programme dessus d'ailleurs, on n'en sait rien. Peut-être, Peut-être aime voilà. bien, oui. C'est moins sûr parce qu'à l'époque, les règlements ISU internationaux de glace ne permettaient pas les paroles dans les chansons. Donc, c'est même pas sûr en fait. Hein. Ça a été changé, ça, je me souviens. Ça a été Oui, mais changé. c'est assez récent, hein. C'est assez récent. Oui, bon, enfin, là, on extrapole beaucoup de toute façon. Voilà, Je voilà. crois que. Ouais. Alors ensuite. Mais ensuite, moi, je voulais parler. Donc, on arrive à la scène des présentations du club de derby. Et rien que dans cette scène, en fait, on voit tout de suite les personnalités des filles. Donc, c'est normal parce qu'on présente des nouveaux personnages. Voilà, c'est Et. important de mettre un point important là-dessus, de bien comprendre la personnalité de chacune. Et cette scène est très drôle, très bien faite, et avec chaque personne en fait va dire quelques phrases, et en quelques phrases on sait déjà le stéréotype de la personne là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On est encore dans la caricature. Alors moi, j'aimerais bien savoir quel a été ton personnage préféré dans cette scène. Ah, mon personnage préféré, c'est une bonne question. Bah, de toute façon, j'en aime aucune. Mais alors, je pense que mon personnage préféré, ça serait. Je connais pas son. Attends, je l'ai peut-être mis tout en bas. Non, en fait, c'est l'Asiatique qui est plus que timide. Ah oui, qui dit juste bonjour. Oui, voilà, ouais. Ouais, c'est vrai, elle est drôle. Ben. Alors, sincèrement, dans le derby, des filles comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et en général, elles restent pas longtemps, malheureusement. Mais c'est plutôt des filles qui ont du sacré caractère et qui s'affirment, hein, les filles qui viennent faire du derby. Donc, c'est assez drôle, voilà. Moi, j'ai adoré MJ. Elle m'a fait mourir de rire. Ouais. Et Lola aussi en soi, mais c'est vrai que quand j'ai découvert le personnage, je me suis fendu la poire, mais c'était énorme quoi. Le personnage de Lola? MJ, Ah, de MJ. MJ, Ah, ouais. oui. Oui. MJ, on est à fond dans le cliché du derby et de la fille qui regarde et Bliss, hein, tu vois, on en parlait la dernière fois. Bliss qui est la référence du film derby par excellence. Et moi aussi, quand je suis arrivée dans le derby, j'avais vu Bliss et je me suis dit, je vais faire du derby, je vais essayer, on va voir, ça va être rigolo. Sauf que moi, j'avais déjà fait du patinage avant, mais des filles comme MJ, mais j'en ai rencontré un paquet, tu vois, dans les Fresh Meat, justement, qui arrivent, qui disent, j'ai jamais fait de sport de ma vie, j'aime manger et j'ai regardé Bliss et voilà. Alors, enfin, voilà, quand je suis tombée sur cette scène, je me suis vraiment retrouvée la première fois, effectivement, je me suis retrouvée moi-même Fresh Meat et où j'avais des filles autour de moi pareil qui avaient vu Bliss, quoi. Donc c'était très drôle, voilà. Et alors tu. Ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, on a vraiment l'impression que le réalisateur, enfin que le scénariste, il connaît bien le domaine du derby. Et par contre, les images de derby, enfin on y reviendra tout à l'heure, mais c'est Ouais. pas du derby, quoi. C'est ça qui Non, est. non, non, non, c'est catastrophique. C'est. Ouais. Mais oui, non, c'est vrai. Je pense qu'il a quand même fait un sondage. Il a été en contact avec des équipes de derby. Donc, il a pu enregistrer, interviewer les filles pour avoir les clichés qui reviennent régulièrement. Tu vois, donc c'est pas le plus compliqué. Mais c'est vrai que je regrette vraiment ces phases de patinage qui sont très tristes, qui sont très molles. Et surtout pour Lola, quoi, parce que effectivement, autant les autres, on s'attend effectivement à ce qu'elles aient pas un patinage d'une grande qualité, mais Lola, qui se vante depuis le début d'être enfin vice-championne du monde, on s'attend quand même à avoir un peu de niveau. Et c'est vrai que bon, ben, ça pêche un peu, quoi. Ouais. Donc c'est un peu frustrant. L'épisode précédent, tu me demandais enfin si les actrices, les acteurs et les actrices jouaient bien. Et c'est vrai qu'en fait, je me dis mais je pourrais pas voir par exemple la sataniste là, enfin la, je sais plus comment elle s'appelle, Absinthe Nitouche. Absinthe Nitouche, ouais. Je me dis mais je sais pas dans, enfin je la vois maintenant que dans ce rôle-là en fait. Je me dis mais enfin si je la vois dans un autre film, forcément je repenserai à celle-là à son tellement personnage, elle incarne ce personnage. Et pareil pour MJ quoi. Maintenant je... Ouais. Non, elle vraiment voilà, elle joue bien et leurs personnages sont super intéressants au final, ouais. Ouais, non mais ouais, donc non, en fait, c'est très très bien joué. Je veux dire moi voilà, donc bah après on c'est ouais, ce que je disais, la série arrive toujours à m'arracher un sourire à chaque scène. Et notamment avec le duo donc de Lola et de MJ, et ouais. Où on voit donc Lola qui est toujours très sûre d'elle et qui peut pas blairer les, enfin qui est une winneuse, et on la met avec une loseuse et là forcément. Ouais. Mais elle est vraiment humiliante quoi, et par moments c'est un peu malaisant je trouve, hein, parce que c'est vraiment, enfin on est vraiment à la limite quoi du drôle justement. Hein. Je suis pas sûre que ça fasse rire tout le monde. Alors moi ça m'a vraiment fait rire, et j'ai pas trouvé, parce que je sais qu'on est dans du, parce que c'est vraiment, la série ne se prend pas au sérieux, donc c'est pour ça que... Oui, non, voilà, il faut vraiment le prendre au second degré. Après je suis pas sûre que les filles qui soient réellement touchées par ça, tu vois, elle est pas un petit peu quand même en travers quoi. Peut-être. Alors, ouais, faudrait poser la question à une équipe de derby, en fait. Pour être clair, tu vois. Autant moi, en tant que patineuse artistique, je peux être un peu vexée par certains clichés de la patineuse artistique qu'incarne Lola, mais j'ai suffisamment de recul, tu vois, pour en rire. Parce que je sais que voilà, c'est pas tout à fait comme ça non plus. Mais là, en fait, ça dépend. Quel est le message qu'a voulu faire passer le réal ? Est-ce qu'il a vraiment voulu jouer sur le cliché second degré ou pas ? Et en fait, est-ce que au final, ça peut pas être, c'est pas justement à la limite, tu vois, entre le bien, le pas bien et l'humiliation, et enfin voilà, c'est moi j'ai trouvé par moments un petit peu limite, mais je suis pas à la place des gens, tu vois, qui le subissent, ou j'ai pas été à la place d'une MJ par exemple, donc je peux pas vraiment prononcer à ce niveau là quoi. Alors moi j'ai pas trouvé ça malsain, enfin je l'ai vraiment pris au second degré, j'ai pas eu cette ça m'a pas je me suis pas posé la question. Ça m'arrive hein, de me poser la question de temps en temps, mais là, là, sur ce coup-là, ça s'est bien passé auprès de moi, en tout cas. Ouais, bon, tant mieux alors. Ouais. Alors après, je voulais revenir sur ces histoires de minimum skills. Et donc, je voulais savoir si ça existe vraiment dans le derby, là, les minimum skills. Ouais, ça existe, bien sûr. Ouais. C'est géré par la WFTDA. Hein. Donc la WFTDA, c'est la Fédération Nationale de Derby ? Internationale, même, ouais. Ouais. Je peux pas en dire autant de la FFRS parce que je suis plus dans le milieu, mais en tout cas à l'époque on était rattaché à la FFRS et à la WFTDA, et effectivement il y a un livret officiel avec du patinage de base lié au derby qu'il faut effectivement passer en test au bout de 3 mois. Donc 3 mois de formation pour passer ces tests. Je les ai passés moi-même. Hein. Mmh. Alors à l'époque, bon, c'était il y a 10 ans, donc j'imagine qu'ils ont un peu évolué. Mais puisque là, ils parlaient d'épreuves techniques et d'épreuves théoriques. Et moi, à l'époque, j'avais passé qu'une épreuve technique. On n'avait pas d'épreuve théorique. Donc, s'il y a une épreuve théorique aujourd'hui, je trouve ça très bien, hein, parce que les règles du derby, c'est une vraie catastrophe. Ouais. C'est assez l'enfer. Mais tu vas avoir tout ce qui est patinage solo. Donc, ça va être gérer son freinage, sa vitesse, ses retournements. Ça va être ensuite savoir travailler en pack, patiner en pack avec d'autres patineuses, bloquer. Vraiment, tu vois, c'est les règles de base du derby, quoi. En fait. Et oui, ça existe bien. Ouais. Mais qui est-ce qui a l'autorité pour les faire passer ? Alors, à l'époque, c'était des arbitres et notre coach qui nous les avait fait passer. Après, c'était... c'était pas vraiment réglementé, tu vois, parce que le derby commençait tout juste à se développer. Aujourd'hui, j'imagine que c'est comme dans toute ligue de, par exemple, en patinage artistique, ceux qui ont le droit de faire passer les épreuves de test comme ça pour aller en compétition, c'est des gens diplômés qui ont un petit diplôme d'État. Par exemple, moi, avec mon BEF, j'ai le droit de faire passer certains diplômes. Tu vois, je suis habilitée par la fédération pour faire passer ces tests-là de façon officielle, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc j'imagine qu'en derby, ça doit être pareil maintenant Et qu'il y oui, a mais. des coachs derby, hein, parce qu'à l'époque, on faisait tout ça tout seul nous-mêmes, quoi. Il n'y avait pas de brevet de coach derby à l'époque. Ouais. Et mais alors, après, c'est minimum aussi. Je suppose que c'est. Enfin, moi, c'est bon. C'est une série, donc faut que j'arrête ça. Mais en gros, tu fais pas passer pour une personne, quoi. C'est tu fais passer tout le Non. groupe en même temps. Ouais. Voire. Mais en général, tu as des sessions de recrutement. Et pendant ces sessions de recrutement, on forme un nouveau groupe. Et donc, ce nouveau groupe, il est formé pendant 3 mois jusqu'au minimum skills. Donc, en général, c'est tout le groupe en même temps qui passe sa session de minimum skills. D'accord, et ça va être juste le groupe ou ça peut être des équipes séparées qui font ensemble, enfin plusieurs équipes qui font la même session de minimum skills. Non, en général, c'est juste le groupe dans une ligue, quoi. Enfin, dans une ligue, même dans un seul club, hein, tu vois, ça peut être une dizaine de filles, quoi, qui arrivent et qui passent leur test. En général, elles font 2 sessions par an de minimum skills. Voilà. Ok. Ça prend du temps de former des patineurs, hein, donc, Ben ouais. c'est... Et puis moi, honnêtement, tu vois, avec mon regard un peu plus professionnel dans le patinage, former en 3 mois des patineuses au patinage et un match, moi, je trouve ça même aberrant, quoi. Pour moi, quelqu'un qui sait bien patiner, qui a vraiment les bases, patinage avant, arrière, savoir sauter, se retourner, freiner, c'est minimum 3 ans de patinage, quoi. Ah oui, enfin Tu oui, mais vois? si t'as des bases avant. Comme toi, Ouais. tu venais de Oui, bah l'artistique. oui, non, c'est sûr. Moi, j'aurais pu être comme Lola, le passer au bout d'un mois. Hein, mais Oui. minimum skills, enfin voilà. C'est quand t'as les bases, t'as les bases, quoi. Il Oui, a fallu que voilà. je réadapte parce que je suis passée de la glace au quad, hein, donc il y a quand même une petite différence. Mais patinage avant, arrière, freinage, c'était des choses que je maîtrisais déjà, en Bah oui. fait. Voilà. Mais le travail de pack et d'équipe, par exemple, ça, il a fallu que je l'apprenne. Donc, même si tu patines bien, c'est que ça reste un sport d'équipe et de contact. Voilà. Ok. Après, moi, je voulais revenir sur la blague. Donc, c'est quoi la différence entre ta mère et ta sœur? Ouais, alors cette blague, j'ai pas trop comprise et elle m'a pas spécialement fait rire. Donc, Ouais, et ben. c'est un peu trop décalé et un peu trop sexuel, en fait, et bon, voilà quoi. Je sais Ouais, pas ce que mais. t'en as pensé, toi. Ben, en fait, la première fois que je l'ai vue. Bah, j'ai trouvé que c'était nul en fait. Enfin voilà, je me suis fait comme Lola, mais. Enfin non, moi j'ai compris la blague. Oui, voilà. Mais je l'ai trouvé nul effectivement, ouais. Mais on se demande pourquoi, en fait. Qu'est-ce que ça apporte? Ça Ouais. apporte absolument rien, en fait, au Non. scénario. Donc, Mais en fait là, en ayant vu toute la saison, oui. et en revoyant cet épisode, je me suis marré. Tu vois, c'est. Oui, je comprends parce que tu penses à la suite, forcément. Ouais, voilà, ouais. Bon, c'est juste un petit clin d'œil, mais ça apporte rien de plus, quoi. Ça apporte si, ça apporte ce qu'on va voir après. Oui. Ça se justifie un petit peu, on va dire. Ouais, enfin c'est l'état d'esprit de Mother Blocker, quoi. C'est Oui, aussi, voilà. juste ça, quoi. Alors là, faut que je relise mes notes. Je dis qu'on peut que détester Lola parce qu'en fait, elle fait tout pour sa gueule et surtout, elle est prête à mentir et à se servir des autres pour arriver à ses fins. Donc notamment, en fait, quand elle voit que son père pleure. Quand elle lui dit qu'elle est triste pour elle, et elle essaye pas de le récon, et elle essaye pas de réconforter son père en fait, et elle imagine juste un plan pour se faire réintégrer dans l'équipe. Et je me dis, mais comment je peux regarder une série comme ça alors que je ne peux pas blairer le personnage principal? Ouais, on se pose cette question effectivement. Moi, j'ai rajouté qu'elle était grossophobe, homophobe, insupportable, quoi. Oui. Et oui, elle est vraiment détestable, hein. Et Ouais. elle fait absolument tout pour être détestée. Mais il y a une phrase que j'aime bien. Et que j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans un documentaire Marvel, justement, où ils expliquaient que les gens adoraient détester des personnages détestables. Et j'adore cette phrase parce que là, c'est vraiment le cas, quoi. On adore la détester, en fait. On se dit jusqu'où elle va aller encore, quoi. Oui, mais le souci, c'est que pour le moment, c'est l'héroïne, en fait. Ouais, Alors, ouais, je veux ouais. bien, ouais, je veux bien détester un vilain ou un super vilain, mais là, c'est moi, je me suis dit, non, mais si elle change pas de comportement, ben, je vais, enfin, la série va m'énerver, quoi. C'est vrai, tu pensais décrocher, toi. Oui, je me suis dit, mais si, parce qu'une fois, elle s'est, dans le premier épisode, elle avait sa batte et elle les a pas frappés à la tête, et je me suis dit, ok, là elle a pris sur elle commence à changer, parce que moi, quand j'ai vu son personnage, je fais, faut qu'elle change, quoi, c'est pas possible sinon. Et ouais, donc j'attends à la sab... enfin j'attends patiemment qu'elle change son comportement. Et ouais, bon, voilà. Et alors on arrive à la dernière scène où, donc vraiment la toute fin, toute dernière image, elle se prend un coup de poing dans le nez, elle tombe et elle se retourne avec le visage en sang et un énorme sourire. Mais tu la vois vraiment pisser le sang, c'est, tu te dis, mais tout le monde aurait super mal, quoi. Et elle, non, non, c'est, voilà, elle a un grand sourire, et puis bah alors c'est bon pour m'intégrer, enfin c'est. Est-ce que j'ai passé le test? Et je sais pas, cette scène m'a bien fait rire, quoi, en fait. Ouais, elle était drôle. Après, moi, j'ai envie de revenir sur une petite partie dans cet épisode en particulier, où à un moment, je crois que c'est Acide Cyprine qui dit, ouais, mais elle a peur de se prendre des blocages, elle a peur de tomber, elle a peur de se faire mal. Et c'est en fait ça, c'est totalement illogique pour une patineuse artistique d'avoir peur de se faire mal, parce que j'explique bien que quand tu es une patineuse ou un patineur artistique, si tu as peur de tomber, si tu as peur de te faire mal, tu ne feras jamais de patinage artistique tout court, en fait. Parce que on passe notre temps le cul par terre, en fait, hein. Si je dois en gros te résumer un cours, un entraînement de patinage artistique, c'est pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on va te dire, tu sautes un saut que tu ne sais pas faire, hein, bien sûr, parce que le but c'est d'apprendre. Donc tu vas sauter, tu vas tomber, tu vas sauter, tu vas tomber, tu vas sauter, tu vas tomber. Et tu fais ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais. À te faire parfois très mal, hein, parce que quand tu tombes mal, tu peux te faire vraiment très mal. On n'a pas de protection en patinage artistique. On n'a pas de protège-poignet, on n'a pas de protège-genou, on n'a pas de protège-dents, on n'a pas de casque. Hein. Quand on apprend le patinage artistique, on n'a aucune protection, hein, et on se casse le cul par terre. Et on vraiment se fait très mal. Donc Lola, à son niveau, en junior, aux championnats mondiaux, elle n'a pas peur de se faire mal. Hein. Elle n'a pas peur de se ramasser, de s'éclater la gueule par terre. Donc ça, c'est vraiment le côté illogique. Qui pour moi donc fait flop, hein, en fait, fait tache, hein, dans cet épisode-là, parce que moi quand je suis rentrée dans le derby, j'avais pas peur de me faire éclater la gueule, au contraire, hein, c'est moi qui voulais éclater la gueule des autres, hein. Tu vois ce que je veux dire? Moi je voulais bloquer, hein. Moi je voulais rentrer dedans, j'avais pas peur, je dis je vais leur faire des croche-pattes, je connaissais même pas les règles encore, hein, mais moi je vais leur défoncer la gueule, hein, les meufs, hein. Pas de souci, tu vois. J'étais vraiment dans cet esprit-là, quoi. Et non, non, les vraies patineuses artistiques, elles n'ont pas peur de se faire mal, vraiment. Enfin, elle arrive à surmonter sa peur très rapidement, et Oui, oui, oui. on n'en reparle pas après. Non, voilà. Mais c'est vrai que c'est, enfin, voilà, c'est pas très bien justifié pour le coup, Oui, je suis en d'accord avec fait. toi. Voilà. J'ai eu plus de bleus en patinage artistique qu'en derby. Oui. Ce qui est logique, hein, parce que j'avais des protections en derby, donc Quelque chose qui n'est pas très bien retranscrit Ouais, dans cette voilà. série, mais. Voilà. Et c'est pas assez renseigné auprès des patineuses artistiques pour le coup, là. Ok, bon, on va pouvoir enchaîner sur l'épisode 3, qui Ouais. s'intitule Tonya Hardwill. Tout à fait. Donc en référence, maintenant tu le sais, Oui. à Tonya Hardwing, Hardwing. ouais, voilà, c'est ça. Donc, qui a coupé. Alors, elle n'a Qui n'a pas pas coupé coupé les de doigts, doigts, heureusement. mais. Ouais, non, non. Ouais. Qui ││ a pété le genou d'une autre patineuse. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Alors donc, quand on arrive sur l'épisode 3, on commence direct par la cérémonie dans le noir d'intronisation des filles et qui vont se présenter et qui vont boire le sang des licornes et qui vont dire, qui vont donner leur nom. Donc moi, ma question, c'est est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans le derby, quoi ? Est-ce qu'il y a vraiment une cérémonie d'intronisation ? Alors, je pense que ça dépend des clubs. Peut-être que certains, oui, s'amusent à faire ça. Mon club, ça a pété le cas. Là, c'est scénarisé, donc on est vraiment dans l'esprit sororité américaine où voilà, on fait boire des trucs dégueulasses, on bizute un peu la personne. Mais oui, après les minimum skills, une fois que tu as passé donc, tes minimum skills, tu choisis ton nom officiel de derby. Donc le nom officiel de derby, il est important parce que c'est celui que tu vas porter sur ton t-shirt pendant les matchs. C'est celui avec lequel on va t'appeler, où tu vas faire un peu le show hein, au début d'un match. Hein. Quand on présente l'équipe de derby, en général, on fait un tour d'honneur et on prononce ton nom et ton numéro. Donc, le nom de derby, ouais, il a toute son importance, là, et il faut que ça claque, quoi. Et ils peuvent... Enfin, moi, à l'époque, en plus, voilà, il peut être protégé et reconnu par la Ligue, donc nous, c'est ce qu'on avait fait, en fait, on avait rentré nos noms officiels de derby via une plateforme, en fait, pour pas qu'on nous le pique, hein, tout simplement. Donc le mien, il existe toujours sur la plateforme hein, qui s'appelle nonderbyfrance.wordpress.com. Voilà. Ouais. Et toi, ton nom, c'est quoi alors ? C'était Wanda Crush. Rapport à quoi ? Alors, rapport à Wanda Jackson, qui était une chanteuse américaine des années 50, hein, qui chantait du rock and roll. Et crush, parce que pour l'esprit derby, crush, pour écraser les autres, quoi. Ok. Et voilà. Ce que je voulais savoir, c'est que avant cette fameuse cérémonie, les autres savaient déjà le nom que tu allais prendre ou pas ? Ben, on en parlait un petit peu entre nous, ouais. On essayait de réfléchir, on se disait, ouais, ça sonne bien, ça sonne pas bien, etc. Effectivement, ouais. On se donnait quand même nos avis sur les noms derby. Mais, voilà. Mais c'est, c'est vraiment comme dans la série, c'est à ce moment-là où tu officialises voilà, c'est le ça. Truc et où tu le révèles à tout le monde. Et... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que tu peux pas mettre ton nom de famille dedans ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut vraiment un nom inventé. Donc, ouais. C'est pas mal. C'est chouette, hein, c'est un moment sympa. Faut pas le regretter surtout après, mais... Ah oui, c'est ça, tu peux pas changer de nom en cours de... Ah de, non, bah non, en général, tu gardes le même, ouais. De carrière, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Ok. Après, je voulais parler de la scène à Sport Sonic, où on voit les deux ennemis qui se parlent et qui se chambrent. Et donc la scène est très très drôle, hein, ils font encore leur bataille de top, top, top, top. Et ça me fait bien rire. Et puis, voilà. Mais par contre... c'est ça. Ouais. À la fin, j'ai pas compris si elles étaient sérieuses ou si elles faisaient du second degré, parce que on voit que tout d'un coup, elles changent de ton, elles arrêtent de jouer leur petit jeu, puis c'est bon, ça fait 10 euros, ouais, est-ce que tu prends le sans contact ? Enfin, elles changent vraiment de façon de jouer, et je trouve que c'est mal rendu dans la scène, donc, déjà pour toi, est-ce qu'elles sont sérieuses ? Enfin, est-ce que elles se chambrent vraiment, ou est-ce que c'est du. Ou c'est un petit jeu entre elles ? Ou alors, déjà première question. Ouais, je pense qu'on peut se poser la question effectivement. Soit c'est pas très bien joué, soit pour moi la scène elle est assez surréaliste. Hein, ouais, c'est vrai, c'est justifié hein, parce qu'effectivement, en tout cas le réalisateur fait en sorte qu'elle rentre systématiquement en conflit. Et puis elles reprennent leur vie normale chacune de leur côté. Tu vois, on est plus dans cet esprit là. Après, moi, ça m'a fait rire, hein, sincèrement, la scène. Sur le moment, j'ai trouvé ça très drôle. Et cette espèce de coupure, justement, au moment où elle reprend son taf, hein, tout simplement, j'ai trouvé ça très drôle. Mais, moi aussi, mais j'ai adoré. Mais c'est vrai que, après, tu dis, mais je sais pas sur quel pied danser. Donc, Ouais, mais c'est volontaire. Enfin, en tout cas, ça se voit que c'est volontaire, quoi, de la part du réel. Et puis bon, après, je disais, ouais, elle rentre en colère chez son père et elle parle de ses coéquipières de roller derby et puis non, pas encore de ses copines. Et donc, ouais. Là, alors là, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que Ce qui montre l'indépendance de Lola, voilà, elle fait partie d'une équipe, mais pas encore de la Derby Family. Et ce point, il est assez important parce que c'est vrai que elle parle quand même de ses coéquipières, mais c'est vrai que quand on fait partie d'une équipe de Derby, l'esprit Derby, on est vraiment hyper soudés, on est vraiment, ouais, c'est vraiment une famille, quoi. Je veux dire, on se connaît par cœur, on fait nos soirées ensemble, on vit derby, on parle derby, on fait soirée derby en permanence, quoi. C'est vrai. En tout cas, moi, ça fonctionnait vraiment comme ça à l'époque. Je pense il y a toujours des filles, voilà, qui recherchent ça aussi dans le derby, hein, cette appartenance au groupe. Et là, Lola, elle ne fait pas encore partie de ce groupe. Donc là, c'est par ce petit mot-là en particulier face à son père qu'elle fait comprendre qu'elle ne fait pas encore partie de cette Derby Family, tu vois. D'ailleurs, son père la traite encore comme une enfant, hein. Et on le voit dans la scène où elle donne des petits cartons d'invitation justement à ses coéquipières, quoi. C'est très enfantin de faire ça. Oh que oui, oh que oui, c'est. Voilà. Oh oui, c'est clair, c'est une fête d'anniversaire comme ça. Ah, il y aura une piñata en Voilà. plus, enfin bon, c'est. Et puis on va passer une soirée d'enfer, mais en fait ça se passe à 2 heures de l'après-midi, quoi. Donc c'est super drôle, quoi. Ouais. Les cadeaux, les cadeaux. Les cadeaux, ouais. Alors, ouais, c'est là, c'est quand elle ouvre le cadeau de Mother Blocker. Et donc elle découvre le vibro. Alors là, j'étais mort de rire. Donc. Quelque part, c'est attendu, mais c'est quand même bien joué, donc c'est super drôle, quoi. Donc ouais, on voit MJ, Lola et son père qui sont super gênés, qui savent pas où se mettre. Tu vois que Mika, lui, il est content. L'autre. Mika, ça le fait carrément fantasmer, Oui, c'est ça, hein, en oui. vrai. Oui, c'est. Ouais. Et elle lui met donc ouais, elle lui met le vibro sur le Sur le visage là. front, ouais. Et Non, mais puis. le plus drôle quand même, moi, que j'ai trouvé, c'est elle demande au père, vous avez pas des piles là? Oui. C'est pas grave, je vais prendre celle de la télécommande. C'est hyper Ouais, drôle. non. Et puis quand elle explique que c'est un truc d'occasion en plus. C'est ça. C'est. Ouais, c'est. Et surtout, elle leur demande un petit peu plus tard dans l'épisode, alors t'as essayé mon vibro? Oui, Et ouais. Lola lui répond, non, ça va pas ou quoi? Et elle lui dit, oh putain, tu fais chier, je l'ai lavé au bicarbonate de soude et au vinaigre. Oui. Ouais, tout Et à ça, fait. c'est quand même hyper drôle. Donc on sait que Ouais. c'est elle qui l'avait, quoi. C'était le sien avant, donc c'est C'est vrai, c'est. ça, en plus elle est écolo, tu vois, parce que vinaigre blanc et bicarbonate de soude. On cerne bien le personnage, quoi, là. Ouais. Ouais, non, mais c'est. Elle est assez énorme, ouais. Non mais oui, je pourrais pas. C'est pareil, cette fille-là, si je la vois jouer dans un autre. Un Si je autre film, la ouais. vois jouer une fille raffinée dans une autre série, là, c'est mort, quoi. Je dirais, non, non, C'est mais je sais que mort. t'es pas comme ça. Voilà. Et donc c'est pas mal parce que cette scène, tu vois, elle marque encore une fois le fait que Lola n'est pas encore une adulte, mais toujours une enfant qui pense comme une enfant, hein, qui attend qu'on lui offre des cadeaux pour son anniversaire et montrer qu'elle a des copines, hein, alors que là, on aborde directement enfin, la sexualité via Mother Blocker. Donc Mother Blocker, et c'est ça qui est bien, c'est que dans son nom, il y a le terme Mother, qui est donc la mère, hein, parce que c'est un peu sa mère de substitution qui lui apprend la vie, quoi. J'ai bien aimé Ouais. ça. Ouais. Ouais. Mais alors, effectivement, elle est encore qu'une enfant, et je me suis posé la question de sa sexualité, en fait, si elle était vierge ou pas. Ouais, c'est vrai qu'on peut se demander, effectivement. Ouais. Ouais. Et là, je me dis, ben oui, elle a une réaction de vierge, en fait. Enfin, Complètement. de fille qui a pas connu, qui a pas connu grand monde, quoi, beaucoup d'hommes dans sa vie. Non, et puis si on se replonge dans son passé de patineuse, si elle a passé toute sa vie effectivement à patiner, ben, les garçons, t'y penses pas, t'as pas le temps d'y penser en fait, hein. Oui, enfin, Donc, mais elle a fini sa carrière à 15-16 ans, donc, mais enfin, je c'est veux dire, ça, jusqu'à. mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces 15-16 ans jusque-là? Donc, Ouais. C'est ça, ouais. Et bah, si elle a son caractère comme ça. ben, peut-être qu'elle est frustrée, quoi. Voilà, donc moi je me suis dérangé dans le camp des MJ là qui a pas beaucoup d'expérience de ce côté-là. Et puis Ouais, c'est ça. on verra ce que ça donne dans le reste de la série, quoi. Donc à la fin de la soirée d'anniversaire, elle dit finalement ouais, que ce ne sont pas ses coéquipières, mais ses copines. Alors, Ouais. Ouais. Donc là, il y a un vrai changement de ton et elle s'attache sentimentalement. Donc c'est ça qui devient un peu intéressant. Mais je trouve peut-être un peu rapide au bout du troisième épisode. Eh ben, mais justement, moi, c'est ce que j'attendais depuis le début pour l'aimer, en fait. Ouais. Et bon, on va voir qu'au final, elle va faire, enfin, là, le ton change, mais c'est pas encore sa personnalité va revenir au galop, hein. Oui, elle reste quand même très égoïste, ça c'est clair. Ah On le oui. voit de toute façon quand son père aborde la prof de musique Sylvie. Parce qu'elle l'écoute pas. Elle est toujours plongée, elle a toujours son trip très égocentré et elle pense pas à son pauvre papa, quoi, qui est tout seul depuis 10 ans, quoi. C'est clair, ah oui, mais elle ne l'écoute, comme tu dis, elle l'écoute pas. Hein, c'est, Non, non. mais je crois qu'il pourra lui dire, mais si, je t'en ai parlé. Ah bon, tu m'en as parlé? Enfin, voilà. C'est ça. Ah, ouais. Donc. Voilà, j'ai bien aimé aussi Mika et Mother Blocker qui se roulent une galoche. Ça, c'était hyper drôle, quoi. Et MJ qui regarde, forcément, elle veut apprendre, elle a raison. Ouais, bah alors, raison de les regarder tous les deux pour apprendre, je suis pas sûr que ce soit un très bon conseil. Non, mais justement, c'est ça qui était super drôle, quoi. Ouais. Alors, ensuite. Bah, c'est ta couleur, c'est le orange, c'est ta couleur, donc je te laisse parler. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? La mort de la mère de Lola. Oui, quand elle aborde la mort de sa mère, qui est pas morte en vrai, hein, on le sait, hein, elle s'est barrée. Hein, mais Bah oui, on s'en doute bien, oui. c'est ça. Donc elle ment, hein, à propos de la mort de sa mère. Donc elle a honte de sa situation, de sa famille. Hein, et forcément, donc elle ment à ses coéquipières, hein, encore. Donc on voit bien qu'effectivement, la Lola est toujours bien présente. Hein. Oui. Bah, enfin, après, je pense qu'elle a toujours menti sur ce sujet-là. Oui. Et bon, c'est peut-être pas le moment de Non. dire la vérité, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça. Surtout qu'elle n'a pas encore créé une vraie relation avec ses coéquipières, donc c'est normal qu'elle l'aborde pas. Voilà. On se remange un petit morceau d'Ophélie Winter en karaoké. Hein. Oui, tant qu'à faire, bah, ils ont pris les droits d'une seule chanson, alors ils l'ont. Ils l'ont réutilisé, hein. Parce que du coup, on l'avait entendu dans l'épisode 2, hein, c'est Oui. ça, hein, dans la presque intro de l'épisode 2. Donc, on le retrouve dans l'épisode 3, histoire de remettre une petite couche, quoi. Ouais. Mais moi j'aime bien Ophélie Winter, donc la chanson je l'aime bien. Donc, Ça va bien avec le personnage, hein, en plus, oui. voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc alors après on arrive sur la fellation de MJ. Mais alors moi cette scène où MJ elle mime une fellation qu'elle aurait fait à des mecs. Ouais, bah, j'aimerais pas être à la place des mecs. Hein. Alors, bah, d'un côté, oui, parce que ils en ont une énorme, quoi. Hein. Ça c'est Après, vrai, ouais. C'est vrai. la première fois que j'ai vu ça, mais je fais, mais comment est-ce qu'on peut. Enfin, voilà, quoi. Ah, mais j'ai l'impression qu'elle mange un sandwich, dis donc. Ou qu'elle joue de la flûte au début. Enfin, c'est. Oh, je me suis marré. Franchement. Non, c'est vrai que c'est Ouais. drôle. Ouais. Et puis, on sait pas ce qu'elle fait avec ses mains. Bah oui, moi je te dis au début j'ai l'impression qu'elle joue de la flûte et après j'ai l'impression qu'elle. Non, Ouais, là, c'est plus une fellation, MJ. Je sais pas ce que tu fais, mais. là c'est. Je pense qu'elles ont dû vraiment se marrer pour cette scène. Hein, parce Ouais. que, franchement, ça devait être mémorable. Ouais. Même au niveau des actrices, elles ont dû vraiment se fendre la poire, quoi. Ouais. J'espère qu'elle leur avait montré avant ce qu'elle allait faire parce que. Sinon. Bon, Ah alors là après on là. arrive sur le match de derby contre les spermicides. Non, Et déjà le là. nom, moi j'adore les spermicides. Ah oui, moi Je aussi, trouve ouais. ça énorme, quoi. Faut oser se donner ce nom-là quand tu es une équipe de derby, quand même. Ouais. Donc là on est d'accord qu'il n'y a pas assez de joueuses qui sur le terrain, quoi. Enfin, dans les équipes. Alors, je disais oui et non, parce que c'est le minimum sur piste. Ça veut dire 5 bloqueuses par équipe et deux jammeuses. Et si tu comptes, j'ai vu des arrêts sur image, c'est le minimum sur piste. Mais ça veut dire que dans leur équipe, elles ne peuvent pas tourner. En général, on change de joueuse à chaque jam, si tu veux, donc toutes les 2 minutes. Hein. Un jam, c'est 2 minutes. Donc en général, les joueuses, elles sont à fond pendant 2 minutes et après, ça tourne. On est un peu plus que ça dans une équipe de derby. Parce que sinon, tenir un match d'une heure quand t'es 6, c'est hardcore, quoi. Enfin, surtout pour la jammeuse, hein, parce que la jammeuse, elle se tape des tours à fond pendant 2 minutes, quoi. Donc, niveau endurance, c'est hardcore. Moi, je sais qu'en général, je faisais un jam, après, il fallait que je me pose bien pendant 2 tours et que je reparte, quoi. Mais, et encore, j'ai un mauvais cardio, mais oui, en tournée, quoi. Sinon, c'est horrible. C'est pas faisable, quoi. Bon, après, elles vont pas vite, là. Hein? Le patinage, il est encore horrible. Mais comme je disais, c'est justifié par le niveau. Donc, c'est pas trop, trop grave. Après, Lola, voilà, elle devrait être hors catégorie, quoi. Et les images le montrent pas du tout. Et ça, c'est bien dommage. Et heureusement qu'il y a des ralentis. Et qu'il y a du montage. C'est quoi que tu veux dire hors catégorie? Ça veut dire quoi, en fait? Bah, elle a un niveau bien au-dessus, elle a une qualité de patinage qui devrait être bien au-dessus, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, en 2-3 poussées, elle aurait dû balayer le pack, quoi, alors qu'on la voit galérer, quand même. Oui, ouais, je suis... Voilà, donc oui, heureusement qu'il y a du montage, des ralentis, des effets de vitesse pour que la scène soit pas trop mal, mais ça reste quand même très mal filmé et... Enfin, voilà, ça pourrait être mieux, quoi. Donc, c'est décevant. Mais il ne faut pas regarder... Voilà. Hein, voilà, faut pas regarder les matchs, les scènes de match, parce que c'est pas ça, quoi. Ouais, on est d'accord. Faut regarder pour tout sauf le patinage, cette série. Voilà. Ouais. Alors, c'est quand même le comble, hein, pour une série qui parle de patinage, quoi. Ouais, mais c'est vrai. C'est clair, ouais. Donc à la fin, on voit qu'elle a un énorme bleu sur sa cuisse et puis bah, elle semble être contente d'avoir un bleu comme ça. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être heureuse d'avoir des stigmates de tes matchs? Ouais. Alors c'est marrant parce que la plupart de mes grosses blessures, ça n'a pas été pendant les matchs. C'était pendant les entraînements ou après les... Ouais, pendant les entraînements en fait. Donc j'ai une belle cicatrice qui me reste au menton. Les bleus, c'était courant, mais... On est quand même bien. Alors, c'est surtout, ouais, tu prends des bleus sur les tibias, un peu sur les fesses quand tu tombes, quand tu te fais bloquer. Mais moi, les bleus que j'ai eu le plus, c'était au niveau des bras, quand tu te prends des coups d'épaule. Et les tibias avec les roues des patins. Hein, quand tu te prends des roues de patins dans les tibias, ça fait mal. Hein, donc... Voilà, ça marque. Après, franchement, plus l'équipe est bonne, enfin, meilleures les patineuses sont, et moins tu te prends de coups, en fait. Parce que souvent, les coups, c'est des erreurs de patinage. Ça va être une fille qui va trébucher devant toi, ça va être une fille qui te met un coup de coude, alors que normalement, elle n'est pas censée t'en mettre. Mais vu qu'elle tient pas bien sur ses patins, elle fait ce qu'elle peut pour se rattraper, tu vois. Donc non, les gros coups et les gros bleus, en fait, on s'en prend pas moins à bon niveau qu'au début quand tu débutes. Ouais. Voilà. Et puis, tes bloqueuses, elles sont censées te protéger, en fait, quand tu passes le pack. Donc, quand t'es jammeuse, moi, j'étais jammeuse, donc j'avais pas trop ce problème-là, si tu veux. En général, une fois que j'avais passé le pack, c'était bon. Les bloqueuses, entre elles, par contre, elles se prennent des gros coups dans la tronche. Enfin, pas dans la tronche, mais... puisque c'est quand même très réglementé au niveau des coups. Hein. Tu n'as pas le droit de donner de coups de coude, hein, donc ça va être... épaules, torse et fesses, quoi. C'est tout. D'accord. Donc, et... pas de coup de pied, pas de coup de genou, pas de coup de coude, pas de coup de boule. Ouais, mais t'as le droit de charger, parce que tu, quand t'es en roller, tu prends de la vitesse, quoi. Je vois au hockey, ouais. Tu fais des charges. Ben oui, en tant que jammeuse, en fait, pour rentrer dans un pack, tu charges, hein, carrément, quoi. C'est-à-dire que tu vas à pleine vitesse, t'as je sais plus combien de mètres, hein, pour rentrer dans le pack, en fait. Donc, en général, tu fais un démarrage sur les freins, donc tu pousses à fond et tu rentres dedans, quoi. Tu passes, t'y vas franchement, quoi. Mais ouais. Tu fais le taureau, quoi, mais vraiment, quoi. Hein, en te protégeant bien sûr, mais... Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mais on est on est fiers d'avoir des gros bleus, en fait. C'est vrai. Ok, bon, bah c'est... c'est pas mal. Et ouais, c'est ça, c'est nos blessures de guerre, quoi. Les blessés, ça. Et je disais dans un jeu de rôle, les héros, en fait, ils ont des cicatrices, des blessures, et c'est ce qui les rend beaux à l'image. Donc, c'est ça. Et là, c'est pareil. Ouais. Ouais. Et donc, alors, pour conclure, donc, on voit que dans sa tête, elle a commencé à changer complètement. Elle a des amis maintenant. Elle apprécie les contacts. Bon, ça, c'était le truc. Enfin, les contacts, les chocs. Ouais. Mais bon, ça, comme on disait, pour une patineuse artistique, c'est normal, quoi, d'aimer les chocs. Donc, heureusement que ça a duré qu'un épisode. Et elle commence à boire, enfin. à peine à boire. Et puis, on la voit même se servir de son vibromasseur. Voilà. Sur une image très importante. D'Eliott, qui est le patineur dont elle est folle amoureuse depuis toujours, quoi. ouais, le truc emblématique. Voilà, c'est ça. Donc là, ouais, effectivement, on a une jolie métaphore de son passage à l'âge adulte, hein, mais comme je disais, en 3 épisodes à peine, je trouvais ça un petit peu rapide et pas très crédible avec le reste de la saison. Mais je pense que peut-être que le coup du vibro, ils auraient pu attendre un peu, quoi. Oui, je pense, oui, qu'ils auraient pu attendre un peu, oui. Un ou deux épisodes de plus, ça aurait pas été gênant, quoi. Ouais. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ok, bah voilà. Eh ben, c'est bien, c'était 2 épisodes cette fois-ci, donc la prochaine fois sera encore... Enfin, on va essayer de faire sûrement par 2 épisodes, sauf si on s'aperçoit qu'on a beaucoup de choses à dire sur un épisode, mais... Ouais. Mais voilà, c'est pas le but non plus. On va pouvoir conclure, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, tout va très bien. Eh ben super. J'ai dit ce que je voulais dire, voilà. Très bien, donc si vous voulez rejoindre l'équipe du podcast pour nous aider à commenter, alors quand les épisodes sortiront, on aura déjà enregistré tous les commentaires d'épisodes, mais si vous voulez apporter des chroniques sur le roller, sur un sport en particulier, si vous voulez nous expliquer les règles du derby, enfin rejoindre l'équipe du podcast, vous n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook du Balado, donc de Balado Roller, ou sur le site de Roller en ligne. Vous n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode. Ouais, ça nous fera plaisir en plus. Ouais. Même si, comme je disais, normalement, on devrait enregistrer tous les épisodes avant de pouvoir lire le premier commentaire. Mais c'est pas grave, on répondra aux commentaires, ça, il n'y aura pas de problème. Et puis, vous parlez de ce podcast à tous vos amis de Roller Derby. Vous les faites écouter le podcast pendant vos sessions de Roller Derby, pendant vos randonnées, pendant vos patinages artistiques en ligne ou en quad. Et puis voilà, donc c'était Balado Roller, le podcast de roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.